On voit des marquises sur des bicyclettes, on voit des marlous en cheval jupon, on voit des morveux avec des voilettes, on voit des pompiers brûler les pompons, on voit des mots jetés à la voirie, on voit des mots élevés au pavois, on voit les pieds des enfants de Marie, on voit le dos des diseuses à voix, on voit des voitures à gazogène, on voit aussi des voitures à bras, on voit des lascars que les longs nez gênent, on voit les coyons de 18 carats. On voit ici ce que l'on voit ailleurs, on voit des demoiselles dévoyées, on voit des voyous, on voit des voyeurs, on voit sous les ponts passer les noyés, on voit chômer les marchands de chaussures, on voit mourir d'ennui les mireurs d'eux, on voit péricliter les valeurs sûres et fuir la vie à la 6-4-2.